السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين الطاهرين، وبعد، فما زلنا في دراسة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكنا في الجمعة الماضية تحدثنا عن بقية الأساليب التي استعملتها قريش للصد عن سبيل الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous sommes toujours dans l'étude de la biographie de la vie de la plus noble des créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine passée, nous sommes arrêtés sur différents moyens entrepris par Kuffar Quraysh pour obstruer, pour gêner le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière chose mentionnée était al-i'tida'u al-jasadi, al-i'tida'u al-sahaba. Et la dernière chose que nous avions mentionnée étaient les agressions physiques portées à l'encontre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions parlé de Abu Bakr radiallahu anhu, nous avions probablement parlé de Abu Dhar, nous avons parlé de Bilal radiallahu anhum, pareillement pour Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est un des plus grands savants de la communauté dans le Coran et dans la cause de révélation. C'est le plus grand savant, radiallahu anhu. Parmi ceux qui ont subi ces nuisances-là, il y avait également Suhaib al-Rumi, radiallahu anhum. Ces gens étaient al-mustadhafu, min al-yani al-du'afa, faisaient partie des faibles parmi al-sahaba. Il y a également la qissa mashhoura de Alu Yasir. Il y a également les histoires connues de la famille de Yasir, la famille de Ammar ibn Yasir, Ammar étant le fils, Yasir le père, et Soumaya radiallahu anhum, cette famille pieuse, cette famille qui a embrassé l'islam et qui a mis sa vie au service d'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré les tortures qu'ils ont subies, malgré les agressions verbales et physiques qu'ils ont subies, rien n'a pu les détourner de la parole du monothéisme pur, la ilaha illallah, après les coups subis, malgré les coups subis. Et Abu Jahl faisait partie des plus grands détracteurs et des gens les plus durs et rudes à l'égard des musulmans. Et c'est celui qui torturait Al-Yasir, la famille de Yasir, et c'est lui qui a assassiné Soumaya, radiallahu anha. Il l'a agressé, châtié, torturé, et l'a contraint à sortir de l'islam et à reconnaître le droit à l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle est restée ferme, elle est restée ferme sur la vérité et n'a point dévié du monothéisme pur, à un point tel qu'il s'est saisi d'une lance et l'a enfoncée dans sa partie intime, et c'est ainsi qu'elle est décédée, radiallahu anha. Pourquoi? Qu'elle a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas pour une mauvaise parole, pas pour une mauvaise action, non, juste parce qu'elle a dit le seul qui mérite d'être adoré, Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu vois au jour d'aujourd'hui les gens délaisser leur din pour une petite épreuve. Tu vois au jour d'aujourd'hui les gens délaisser salatul jumu'ah pour une partie de dunya qalil. Tu vois au jour d'aujourd'hui les gens délaisser le masjid, na'am, pour des loisirs à l'extérieur. Ces gens-là, as-sahaba, ils sont entrés dans le din entièrement. Ces gens-là, sahaba, ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a al-tasfiya et ensuite al-tarbiya, la personne, elle est ferme dans son din et rien ne peut la faire bouger telle une montagne parfaitement ancrée. Na'am. Ces gens-là ont pris la science utile, les actions pieuses, ils se sont purifiés du mal, puis ont rempli leur cœur de bien. Cela a eu un impact sur leurs paroles, sur leur apparence, sur leurs actions. Radiallahu anhum ajma'in. Parmi eux, il y a Khabbab ibn al-Arat. Il le prenait, il mettait de grosses pierres au soleil, puis lui posait cela sur le corps. Puis il le brûlait avec cela, il le forçait à sortir du din. Mais Khabbab, radiallahu anhu, patientait et s'accrochait jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda une issue profitable. Et très nombreuses sont ces histoires, telles l'histoire de Khubayb, radiallahu anhu. Lorsque Quraysh l'a attrapé, ils l'ont enchaîné, ils l'ont traîné jusqu'à un endroit. Puis, ils ont voulu se venger d'une histoire précédente. Ils ont essayé de lui faire peur, mais il était complètement serein. À un point où il les a déstabilisés. Ils l'ont informé qu'ils allaient l'exécuter, et il est resté de marbre. Par la suite, il leur a demandé une seule faveur. Laquelle? Le fait de prier deux unités de prière. Le fait de prier deux unités de prière. Il a fait deux raka'a. Avec un khushu' total, concentration parfaite, une sérénité, une quiétude. Et lorsqu'il a fini, ils l'ont regardé. Tout est yani, rempli d'étonnement. Et il leur a dit, si je n'avais pas eu peur que vous pensiez que j'ai peur de mourir, j'aurais allongé encore plus ma prière. Allahu Akbar. J'aurais allongé encore plus ma prière. Ce qui m'a fait l'écourter ainsi, c'est de peur que vous pensiez de moi que j'ai peur de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que je suis à la tawhid. Alors que je suis à la tawhid. Na'am. Ensuite, ils lui ont dit, aimerais-tu être auprès des tiens? N'aimerais-tu pas être auprès des tiens et que Mohammed soit à ta place ici? Il a répondu, Allahu Akbar. Il a répondu, je n'aurais pas aimé que Mohammed soit à ma place, sallallahu alayhi wa sallam, et que je sois auprès des miens. Na'am. Et qu'il soit touché par une seule épée. J'aurais pas aimé me sauver de cette situation en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être touché par une épée. Na'am. Jusqu'à ce qu'ils ont fait ce qu'Allah avait décrété radiallahu anhu wa huwa al-alim al-hakim. C'est ainsi que les sahaba ont subi. Et ce sont que des petits exemples. Et il y en a plein parmi les sahabes. Et les savants nous citent que parmi les plus grandes causes d'affermissement sur la vérité, c'est mutala'atu siyarihi. C'est le fait de lire leur biographie. Le fait d'être avec les sahabes. D'apprendre qui sont les sahabes. Au jour d'aujourd'hui, il se peut que tu entendes un prêche, na'am, ou du début du prêche à la fin du prêche, on ne cite pas sahaba comme exemple. Il se peut que tu entendes une conférence entière, du début à la fin, on ne cite pas sahaba comme exemple. Dites-moi vous, où pouvons-nous trouver des exemples semblables aux sahaba? Quel que soit le chapitre dans le din, les sahaba sont les meilleurs. Quelle que soit la matière, quelle que soit l'adoration, quel que soit le comportement, quelle que soit la noblesse, tu ne trouveras jamais comme un sahab. Ce sont ceux qu'il faut connaître et faire connaître à nos proches, aux musulmans, à nos enfants, et ce qu'il faut donner en exemple. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset, et s'ils ont foi en ce en quoi ils ont cru, alors ils seront bien guidés. Et il nous dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Les tout premiers, parmi les immigrés, les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis avec excellence, radiallahu anhu, Allah est satisfait d'eux. Donc celui qui veut la satisfaction d'Allah doit suivre les pas de ces gens-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, lorsque Khabbab, Ibn al-Mustad'afi, après avoir subi toutes les nuisances que Sahaba ont subies, il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est plaint auprès de lui de ce qu'il subissait de la part de Quraysh. Ils lui ont dit alors qu'il était sous l'ombre de la Kaaba, ne vas-tu pas demander le secours pour nous, c'est-à-dire ne vas-tu pas invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il nous accorde le secours, ne vas-tu pas faire dua pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués dans l'endurance, dans la patience, dans le sacrifice, à être des hommes. À être des hommes. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه. Dans les temps anciens ou bien jadis, on apportait la personne. On creusait dans la terre, et on le mettait dans le trou, jusqu'à ce qu'il n'y ait que le haut qui ressorte. On le mettait dans le trou, jusqu'à ce qu'il n'y ait que le haut de sa personne qui ressorte. فَيُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ. Et on le sciait en deux avec une scie. Et on le sciait en deux avec une scie. فَيُضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِثْنَيْنِ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ. On lui mettait une scie sur la tête et on le coupait en deux sans que pour autant cela ne le fasse sortir de sa religion. Allahu Akbar. Sans que pour autant cela ne le fasse sortir de sa religion. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui ne subissent pas de nuisances physiques. Ce sont des pressions morales. Et ensuite il y a un traumatisme. Et ensuite il y a, puis tu vois un tel délaissé le qamis dans un premier temps. Puis il délaisse l'ihya, il délaisse des sunan, puis il délaisse des obligations, puis il délaisse le fait de venir au masjid, puis il délaisse le fait de marcher avec ses frères, tout cela pour, par peur d'extérioriser son din, tout cela par peur d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Lisez les histoires des compagnons, lisez les histoires des imams de l'islam, comme l'imam Ahmed rahimahullah, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et beaucoup d'autres. Subhanallah, ce qu'ils ont subi, wallahi thumma wallah, personne, yani si on unissait tout ce qu'on a subi, tous autant que nous sommes, et vous voyez le grand nombre que nous sommes, barakallahu fikum, wallahi ça n'atteindrait pas un dixième de ce qu'ils ont subi. Ça n'atteindrait pas un dixième de ce qu'ils ont subi. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tout innocent qu'il était, on le met en prison, puis on le change de prison, on le sépare de sa mère, on le sépare de ses élèves. Et il n'a rien fait. Juste parce qu'il a une croyance authentique. Na'am. Et il décède en prison. Et il décède en prison. Et lorsque ses compagnons et lorsque ses élèves se sentent mal, ils le visitent en prison. Ils disent, on dirait que c'est nous qui étions en prison et lui dehors. Il nous remontait le moral. Subhanallah. Et il disait, inna jannati fi sadri. Il disait, mon paradis est dans ma poitrine. Mon paradis est dans ma poitrine. Sijni khalwa. Cet emprisonnement, c'est un moment privé avec Allah. Alhamdulillah. Yani j'adore Allah. Na'am. Et lorsqu'ils m'ont fait sortir d'un endroit à un autre, pensant l'humilier, ils disent siyaha. Ils disent c'est du tourisme, ils me font visiter tel endroit et tel endroit et tel endroit. Qatli shahada. Et s'ils m'assassinent, alors j'espère être martyr auprès d'Allah. ماذا يريد أعدائي؟ Que peuvent me faire mes ennemis? C'est-à-dire celui qui a halawat al-iman, celui qui a la douceur de la foi, le délice de la foi, qui a connu tawhid wa sunnah, tu ne peux pas lui enlever son din. Tu peux lui ôter la vie, Allah Azza wa Jal va le ressusciter, il va te ressusciter avec. Mais tu ne peux pas lui enlever son din de sa poitrine. Tu ne peux pas lui enlever son iman. Naam, celui qui étudie la biographie de ces gens-là, rien ne pourra le faire. Yani, dévier de la voie de, yani, sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on s'est éloigné du Coran, lorsqu'on s'est éloigné de la sunnah, lorsqu'on s'est éloigné de la connaissance de sahaba, et qu'on a commencé à rentrer sur internet, naam, et qu'on a commencé à délaisser les ulama pour aller s'asseoir devant d'autres personnes, et qu'on a délaissé la sunnah pour aller vers ce qui semble être plaisant, à ce moment-là, il s'est passé ce qu'il s'est passé. C'est que après la moindre épreuve, tu rencontres telle personne, il a dévié du thé. Telle personne, il a dévié de la sunnah. Il disait du bien des ulama, maintenant il parle sur les ulama. Il disait du bien de ses frères, maintenant il parle sur ses frères. Il change de fréquentation, il change de comportement, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de ces gens-là, on n'étudie pas la vie de ces gens-là. Naam, prends les enfants de beaucoup de musulmans et questionne-les sur les sahaba, demande-leur le nom de sahaba, puis demande-leur le nom de joueurs de football, de grandes équipes, de leurs grandes équipes, comme ils disent, et tu verras qu'il est capable de te donner beaucoup plus de noms de personnes qui courent après un ballon que de personnes qui couraient après le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Naam. Et tu vois la communauté qui est éprouvée. Ces sujets-là sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est vécu au jour d'aujourd'hui. Naam, c'est ce qui est vécu au jour d'aujourd'hui. Dans certains pays, ils agressent des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans. Ils torturent des musulmans. Et la Birmanie n'est pas loin de vous. Naam, dans vos esprits. Taïb, que font les gens? Naam, que font les gens dans cette situation-là? Et ils pleurent un peu. Naam, ils crient un peu et ensuite ils oublient. Là, il faut revenir à ces durus-là, il faut revenir à ces cours-là, et savoir que que le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche, que l'ibtila, l'irtibar, l'imtihan, que l'épreuve, le test, c'est la sunnah. Que celui qui dit je crois, il va être éprouvé. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ma hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif lam mim, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui sont véridiques et connaît les menteurs. Naam, celui qui dit amanna, j'ai la foi, qu'il s'attend à être éprouvé. Qu'il s'attend à être éprouvé, ceux qui étaient meilleurs que toi ont été éprouvés. L'épreuve n'est pas signe. L'épreuve n'est pas gage de perte et de faiblesse et autre, au contraire, c'est un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ida ahabba Allahu qawman ibtalahum » Lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Et dans l'autre hadith, « Yusib min » Naam, il le teste, il l'éprouve, il lui met des malheurs, wa hakada. Naam, « Falyarji' al-muslim ila rabbihi » Naam. Donc que le croyant revienne vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, wa liyatafaqqah fi ad-din, et qu'il étudie son din. Na'am, wa liyatamassak bil Qur'an wa sunnah, et qu'il se cramponne au Qur'an et à la sunnah, à la fahmi salaf al-umma, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Na'am, al-Qur'an fihi al-khayr kullu. Dans le Qur'an, il y a tout notre bien. Mais si tu demandes à des gens qui sont dans le din, peut-être depuis un an, deux ans, cinq ans, dix ans, certaines personnes ne lisent pas d'une lecture correcte. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné du Coran. Nahika anil fahm. Si on rentre dans le sujet de la compréhension de l'arabe et ainsi de suite, ça c'est encore plus navrant. Naam, on est loin du haqq, celui qui parle et celui qui entend. Naam. Il nous faut revenir ulama et nous s'asseoir auprès des ulama pour voir comment est-ce qu'ils ont atteint ce niveau et les suivre. Wallahu al-musta'an. Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, on apportait une personne, on creusait un trou, on la mettait dans ce trou, on le sciait en deux, de la tête, dans certains hadiths, min mafraqi ra'si, Na'am, de l'arrêt des cheveux ou bien de la tête, sans que cela ne le fasse sortir de son dîn. Et on avait cité l'histoire de Ashabul Ukhdud, des tranchées, Mahda remplies de feu, et ils ne sont pas sortis pour autant de leur religion. Wallahu al-musta'an. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas laissés dans le désespoir. Il leur dit ensuite, Wallahi la yutimman Allahu hada ad-din. Il a juré par Allah qu'Allah allait parfaire cette religion et la compléter. هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. Par Allah, Allah va parfaire cet ordre, cette religion, ce dîn, au point où le cavalier pourra traverser de Sana'a, capitale du Yémen, jusqu'à Hadramaut, une autre ville du Yémen, sans craindre qui que ce soit, si ce n'est Allah ou le loup pour ses bêtes. C'est-à-dire que viendra un temps de sécurité, viendra un temps où le haqq sera élevé. Et subhanallah, subhanallah, le prophète sallam leur dit ça à une époque où le Yémen c'est « indah al-kitab », c'est les gens du livre, fil Yémen. Et il leur dit ça à une époque où les sahaba se font torturer. Na'am. Et au jour d'aujourd'hui, des ulama akabir sont sortis de là. Talabat al-ilm akabir sont sortis de là. Et peut-être celui qui te parle est sorti de là. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Ils étaient dans la torture et aujourd'hui l'ilm est sorti de cet endroit. Wal-iman ou yaman wal-hikmat ou yamaniyah wal-fiqh. Et le Prophète sallam nous dit l'iman, c'est du Yémen ou c'est yéménite. Et la sagesse pareillement et la compréhension. Walakinnakum tasta'adilou. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut en disant, mais vous êtes un peuple qui s'empresse, vous êtes pressé. Vous êtes pressé de voir les fruits, le secours d'Allah, endurer, patienter, et le secours d'Allah azza wa jal est proche. Et certaines personnes pourraient se dire, mais Allah est capable de secourir directement. Et combien sont ceux qui demandent, comment se fait-il que dans tel pays, les musulmans subissent telle chose et telle chose? Comment se fait-il qu'on subit telle chose et telle chose? Alors qu'on sait qu'Allah est vérité, Allah haqq, wa rasul haqq, wa jannah haqq, wa al-kitabu haqq, wa hakan. Al-jawab, al-ibtila, wa al-ikhtibar. La réponse, c'est quoi la sagesse? C'est le test, c'est l'épreuve. Allah Azza wa Jal t'éprouve. Allah Azza wa Jal va montrer entre nous qui est véridique, na'am, et qui n'a pas été véridique, qui est endurant et qui n'est pas endurant. Et Allah le sait déjà, mais c'est pour l'exposer et que ce soit apparent auprès de nous. Na'am, walitastabina sabilul mujrimin, et afin que se distingue le chemin des mauvaises personnes. Aussi Allah Azza wa Jalla aime voir le serviteur revenir vers lui, se repentir, le supplier, l'invoquer. Et lorsque la personne est en difficulté, elle revient vers Allah, elle voit son besoin. Ça c'est une des sagesses de l'épreuve, pour que tu reviennes vers Allah. Allah t'éprouve par rahma pour toi. Allah t'éprouve par pitié pour toi. Pas pour te châtier. Il t'éprouve parce que tu es son serviteur. Et si tu te sauves de lui, qu'Allah nous en préserve, tu seras châtié. Allah ne veut pas cela pour toi. Alors il t'éprouve pour que tu reviennes vers ton maître. Alors il t'éprouve pour que tu reviennes à la droiture, pour que tu délaisses le mal. Ça c'est une des sagesses de l'épreuve. Une des sagesses, takfiru dhunub, le fait de purifier la personne de ses péchés. Quand tu es éprouvé, quand tu es touché par un mal, même une tristesse, même un madha, une épine ou autre, le prophète sallam nous dit que cela expie les péchés. Parmi ce qui a été cité également comme moyen pour empêcher les gens de rentrer dans ce dîn et obstruer ce chemin, il y a eu, comment dire, al-istiqaf, le fait de chercher à faire pitié à ses proches, les adoucir et les affaiblir dans leur détermination. Comme quoi, par exemple, comme la grève de la faim. Na'am. La personne entre dans le dîn, sa mère lui dit, je ne mangerai plus et je ne toucherai plus un verre d'eau tant que tu ne sortiras pas de ton dîn. Ça a été utilisé. Cela a été utilisé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a fait la mère de Sa'd ibn Abi Waqas. La mère de Sa'd lui a dit « Lan akula wa lan ashraba hatta takfura bi Muhammad » Elle lui a dit, la mère de Sa'd, radiallahu anhu, un des meilleurs parmi les sahaba, lui a dit, je ne toucherai plus d'eau ni de nourriture tant que tu ne sortiras pas de cette religion. Regardez, subhanallah. Certaines personnes du faux utilisent certaines choses vraies chez les gens de la vérité pour les faire sortir du vrai. Elle lui a dit, surtout que ta religion t'ordonne la bienfaisance envers les parents. Hein? À l'image des parents qui disent à l'enfant de faire du haram, et elles lui disent, Allah t'ordonne la bienfaisance envers les parents. Naam, wa innama ta'atu bil ma'ruf, certes. Mais le prophète sallam qui nous explique le Coran nous dit que l'obéissance est dans le convenable. Et Allah dans le Coran nous enseigne que s'il nous ordonne ce qui est mauvais, fala tuti'hum, ne leur obéis pas, mais continue à être bienfaisant envers eux, comme cela nous est expliqué dans Sourate Luqman. Donc, la mère de Sa'd a utilisé cela. Elle a fait cela un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour. Naam. Lorsqu'ils ont eu peur pour elle, ils lui ont dit, regarde l'état de ta mère, ainsi de suite. Il a dit, mange, bois, ou délaisse la boisson et la nourriture. Je ne sortirai jamais de ce dé. Lorsqu'elle a vu sa fermeté, elle a abandonné. Lorsqu'elle a vu sa fermeté, elle a abandonné. Et ça, c'est une grande épreuve pour des gens pieux comme eux, que de voir la mère non satisfaite, que de voir la mère ne pas manger, ne pas boire pendant 3 jours, dans quel état elle a dû se retrouver. Naam. Où sont ceux qui, lorsqu'ils sortent de chez eux, disent, moi j'ai des enfants, je suis obligé de travailler dans le haram. Est-ce qu'on entend cette parole ou pas? Il travaille, il y a de l'alcool, il y a du porc, il ne fait pas le Jum'ah, il ne fait pas Salatul Jum'ah avec le groupe au masjid. Quelle est sa réponse? Il dit, j'ai des enfants. Je suis obligé, j'ai des enfants. Il dit, je dois nourrir la famille, je dois payer le loyer. J'ai pas le choix, c'est l'époque, c'est. Sahulallah. Sa'd, penses-tu que tu es dans une situation plus difficile que la sienne? Alors que ses compagnons se font assassiner autour de lui, on le contraint à sortir du dîner et reste fermement. Et penses-tu que les enfants ont plus de place que la maman? Là, la mère c'est la base, les enfants c'est la branche. C'est quoi le plus important? C'est la base ou c'est les branches? C'est le tronc, c'est la base. Même si les gens au jour d'aujourd'hui ont changé cette vérité, de par l'éloignement qu'ils ont de la fitra et du dîn, Allah al-musta'an. Donc, tous ceux qui travaillent dans le haram, ils disent c'est pour les enfants, ils disent c'est pour nourrir, c'est pour faire, ils ne sont pas sur la voie des sahaba. Ils ne sont pas sur la voie de sahaba, radiallahu anhum. Et un des derniers points qu'on citera, al-muqata'a. Ils l'auront fait, je ne sais pas si on appelle ça un blocus, na'am, le fait de ne plus faire de transactions, na'am, avec les musulmans et tous ceux qui suivront Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne leur vend rien. On ne leur achète rien. On ne se marie pas chez eux. Ils ne se marient pas chez nous. On ne les loge pas. On ne fait pas de commerce avec eux. On ne leur parle pas et ainsi de suite. Ça a été utilisé pour les faire sortir du thé. Naam, au point où certains se retrouvaient à manger de l'herbe. Allahu Akbar. Les meilleurs des hommes, Wallah, ils mangent de l'herbe, ils ne trouvent rien à manger. Ô toi qui n'as pas les moyens, ô toi qui es dans la pauvreté, ô toi qui es dans la faim, et peut-être tu es submergé de dettes. Naam, voici tes exemples, tes anciens, ceux qui t'ont précédé dans cette épreuve. As-sahaba, radiallahu anhu. Si tu vois ta situation ainsi, et si tu te penses être faible parce que tu n'as pas de richesse, regarde, sahaba, ils sont meilleurs que nous tous, et voici leur situation. Naam. Et tu trouves des gens de la famille du prophète qui à la base sont riches, ils ne sortent pas du dîn, ils restent avec lui dans cette épreuve et le soutiennent. Comme Khadija radiallahu anha, elle est restée avec lui dans cette épreuve. Et lorsque le blocus a été, ou l'embargo a été, c'est fini, peu de temps après elle est décédée, comme on le verra inshallah ta'ala. Allah musta'an. Aktafi bihada. On va s'arrêter sur cela, le mafrou. Ce que j'avais prévu, c'était qu'on étudie Al-Hijratayn, les deux premières hijras, Al-Habasha. Mais يعني لعلنا أن نكتفي بهذا وسأتي سرسلة إن شاء الله الذي يريد أن يبقى سنقرأ شيئا من الفقه الأكبر من العقيدة في باب الأسماء والصفات وسأتي سرسلة إن شاء الله تعالى سمعنا prochaine on continuera السيرة